Yeah. DJ plein de killas. Il compte pas dans l'œil. Sac à la prod. Toujours noyé dans un sarcasme atroce. Ouais. L'architecte. On est ton def. 2h30 du mat. Ouais. 2h30 du mat. Ouais, ouais. 2h30 du mat, 2h30 du mat, 2h30 du mat, 2h30 du mat, 2h30 du mat, j'arrive pas à dormir, alors je roule un joint de pollen. J'écris ce texte en étant def et je t'assure que je suis pas trop zen. Je suis du rap français, c'est pour ça que t'es dans le secteur tranchant. J'ai le meilleur des cités, c'est pour ça que je balance des rimes tranchantes. Vendez une bougie, à vous de vous enterrer, je vous dis que la machine est lancée. J'suis du côté obscur et je t'assure que tu comme Anakin, j'ai changé. Tu comme Danakil, j'ai chanté devant un république. Je passe la 5ème et s'il vous rester à la 5ème république. Il me reste un peu de temps pour dormir. Mia merde, tu pars du matin, gars. Tu ne peux pas savoir ce que je pense, tu comme ce tête qui m'atteint, gars. Ouais, je pète pas un câble, je pète carrément le générateur. Je fais des ratures, ouais, je sais que je chante faux quand je suis parti, c'est des rappeurs. Tu verras, ouais, tu verras que le deuxième couplet sera bien mis hier. J'ai fait un merdeur, c'est normal si tu vois du purple, le fond de mes jeunes. 80, je crois qu'il est l'heure de rouler mon troisième pilon. Ne t'inquiète pas, papa, pars juste en croisière, fiston. J'ai des droits d'alien qui font des tours de magie dans ma boîte crânienne. Des ongles, j'ai perdu les fous de l'asile. 80, je crois qu'il est l'heure de rouler mon troisième pilon. Ne t'inquiète pas, papa, pars juste en croisière, fiston. J'ai des droits d'alien qui font des tours de magie dans ma boîte crânienne. Des ongles, j'ai perdu les fous de l'asile. Ouais. 5h30 du mat, ça tape des crises d'insomnie, ouais. 5h30 du mat, 5h30 du mat, 5h30 du mat, 5h30 du mat, 5h30 du mat, 5h30 du mat, 5h30 du mat. Le réveil sonne tellement que mon téléphone en tremble. Tu veux me corriger, mais on n'est pas là pour ôter les fautes ensemble. Si je remonte à la surface, c'est grâce à la poussée d'Archimède. De jour en jour, je progresse, et ce depuis que l'Archimède. On approche, fracasse la prod de stab depuis la nuit du temps. Oui, il est temps de creuser, ça tombe tant que la plume est dehors. Ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais les rimes s'assemblent entre elles. C'est bizarre, je suis meilleur que toi, alors je fais ça sans me vanter. Le rap, c'est une partie de ma vie, ce qui crée jusqu'à ce que le navire de chavir. Oui, j'arrive, l'ami magique et ma rime a voulu que la technique et la vie. J'écris même ma ville comme si c'était la capitale du rap. Je vous mets à l'amende comme ce contrôleur de la RATP. Tu es rappé, ça fait 2 ans que je n'ai plus de conditions physiques. J'ai plus rien à perdre, donc je vous donne avec conviction le physique. J'ai décidé de génie et c'est comme ça que j'éclaire mon toit. J'ai décidé d'écrire et là je me retrouve parmi ces clairs mon toit. 80, je crois qu'il est l'heure de rouler mon troisième pilon. Ne t'inquiète pas, papa, pars juste en croisière, fiston. J'ai des droits d'alien qui font des tours de magie dans ma boîte crânienne. Des ongles, j'ai perdu les fous de l'asile. 80, je crois qu'il est l'heure de rouler mon troisième pilon. Ne t'inquiète pas, papa, pars juste en croisière, fiston. J'ai des droits d'alien qui font des tours de magie. De ma boîte crânienne, disons que j'ai perdu les fous de l'asile. Merde, j'ai perdu tous les fous de l'asile, hein. Ils comptent pas dans l'œil, toujours ça qu'à la prod, ouais. 2h30 du mat, 4h20 du mat, 5h30 du mat, peu importe, hein. J'arrive toujours pas à dormir, c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est comme